Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, vous êtes dans la jungle des luttes, le programme mensuel du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc, comme tous les troisièmes lundis du mois, on est ensemble de 19h à 20h30. Et pour pas changer là, parce que ça fait 6 mois quand même qu'on en parle régulièrement, on va parler de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est la lutte qu'il faut suivre et pour laquelle il faut se mobiliser. Aujourd'hui, et certains l'ont fait là en région parisienne, donc on est justement avec les copains du collectif d'Île-de-France qui est en lutte donc, contre le projet d'aéroport qui s'est monté en octobre. Donc merci à vous les Camille d'être là ce soir. Donc on parlera évidemment donc, de ce projet pour les personnes qui ne le connaissent pas, donc projet d'un aéroport international au nord de Nantes. Et donc, il y a toute une histoire, c'est-à-dire que ce projet a déjà quelques années, il est ressorti et il est donc aujourd'hui très activé. Et donc, il y a aussi une lutte très en lutte et donc on va en parler avec eux. Et donc, on va rester, je pense, un petit bout de temps ensemble. Et sur la fin de l'émission, j'en profiterai pour rappeler les coordonnées et les luttes de toutes les associations collectives qui nous ont accompagnés au cours de cette année 2012 lors de nos programmes de radio notamment et en général aussi dans les luttes au quotidien sur le terrain. Et donc on vous rappelle donc que le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte et le comité de solidarité avec les apatistes, pour ceux qui ne font pas tout directement le lien, ce n'est pas toujours évident. Donc des apatistes, eux aussi en lutte, qui fonderont leur 19e anniversaire le 1er janvier. Donc évidemment, on les salue, on les resaluera encore en fin d'émission. Et donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 20h30, 33 rue des Vignoles, dans le 20e à Paris, métro Avron. Donc dans les locaux de la CNT qui donc depuis 95 donc se réunit à 20h30, c'est une assemblée ouverte donc ouverte à tous et on y discute de l'actualité et de tout ce qu'on pourrait organiser pour faire avancer la solidarité qui est pas seulement avec les apatistes mais aussi l'idée de la convergence des luttes et de créer des ponts. Donc c'est pour ça que la radio, le programme La Jungle des luttes a pour objectif d'essayer de donner un espace à d'autres luttes avec lesquelles on se sent proche, par exemple en bas et à gauche, c'est-à-dire sans conquête de pouvoir et anticapitaliste surtout. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on sera avec les copains du collectif qui s'est monté donc, en Île-de-France contre le projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc à tout de suite, musique, on se retrouve. Bon, ouais. Si j'étais ministre ou François Hollande, je me dirais que pour m'amuser, y'a faire Euro Disneyland, ou bien aller au musée, ou même passer une commande, m'acheter un truc abusé, un gadget sur lequel je bande, ouais, je pourrais me payer une fusée, et m'installer aux commandes, un élevage de médusées, leur faire chaque jour une offrande. Je me dirais que pour m'amuser, toutes ces idées se défendent, mais j'ai trouvé plus rusé et plus près, c'est Notre-Dame-des-Landes. Je pourrais faire raser 2000 hectares de terre boisée juste pour fun, et parce que les arbres ça a tendance à m'agacer, j'ai pensé qu'il y en a assez, qu'on pourrait bien en arracher. Chez quelques-uns et les remplacer par quelque chose de bien plus classé. Je me suis dit qu'un aéroport ferait l'affaire avec ses Airbus, parce qu'alors y'en aurait deux au lieu d'un, y'en aurait encore plus. Oui, car en fait, soi-disant, y'en avait déjà un là-bas qui fonctionnait. Et j'en ai rien à battre, car c'est par moi que les ordres sont donnés. Puis Ne le dites pas, mais c'est aussi et surtout l'occasion de gagner un paquet de pognon pour Vinci. Et on est amis, je peux pas le nier. Un petit milliard passerait ainsi des poches des citoyens français à celle de Xavier Huillard si j'arrive à faire taire les Nantais. Et autres écolos aigris et militants déjantés voulant m'empêcher de faire joujou avec l'argent des gens, c'est quand même un peu irritant. Et puis pas très juste navré, mais à quoi bon être élu président si on peut plus se marrer. Voilà le genre de truc que je me dirais si j'étais dans le boys band présidentiel entre Valls et Héros, mais aussi bien d'autres, jusqu'en même pas tous les noms de ceux qui veulent se rendre la poire. Y'en a une bonne bande, je serais le premier à le vouloir si j'étais ministre sous François Hollande. Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompresse en nous berlant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir, à tous ces gens au pouvoir qui se lèvent tôt et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Le dégât pour nos ministres qui souvent ont une vie triste, les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre, c'est pas trop la pétante, donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. Si j'étais dans le gouvernement héros, je me dirais que pour me détendre, je peux écouter le boléro, aller me balader dans les Flandres et y prendre l'apéro. Loin de la bande à Hollande, à distance de ces gros blaireaux, je pourrais aussi jouer les tendres, emmener Bobonne au resto pour changer des berlines allemandes, la faire voyager en métro, bouffer de mon filet de limande au Fouquet, je veux dire au McDo, avec l'argent que je truande, je veux dire avec celui du boulot. Oui mais j'ai trouvé bien plus drôle, j'ai trouvé plus rigolo quelques militants stupides, gauchistes, anarchistes et écolos, battant pour un monde plus dynamique, la terre, de l'air et de l'eau, ardent que l'aéroport du Grand Ouest serait peut-être de trop. Sous le prétexte qu'on bétonne 2000 hectares de terre, qu'on déloge les autochtones à coups de flics et de militaires, envers et contre des tonnes de gens qui se révoltèrent et qui au passage s'étonnent qu'on dépense tant en période pourtant austère. Je leur ai envoyé 1200 policiers et militaires, 500 CRS et gendarmes, aussi un hélicoptère pour larguer des grenades assourdissantes pensant que ça les ferait taire, ça et quelques lacrymos pour réprimer les plus réfractaires. On s'est bien amusé, de la force on a usé, bien sûr sans en abuser, pour ne pas se faire accuser, on s'est donc mis à ruser. Comment ça se passe, tu le sais, tu gazes le suspect, et tu dis que c'est lui qui a commencé. Voici le genre d'idée qui germerait d'ordinaire dans mon cerveau. Si j'avais un quelconque ministère avec un chauffeur perso, j'aurais beaucoup de pouvoir, donc me prendre pour un super héros. Je serais sûrement le premier à le faire si j'étais dans le gouvernement héros. Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompresse en nous berlant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir, à tous ces gens au pouvoir qui se lèvent tôt et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Le dégât pour nos ministres qui souvent ont une vie triste, les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre, c'est pas trop la pétante, donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. 106.3 FPP, fréquence Paris Pluriel. Vous êtes toujours, enfin on vient d'ailleurs à peine de commencer, La Jungle des Luttes, le programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et on parle aujourd'hui avec les copains du collectif du projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc la plupart en ont entendu parler, mais peut-être qu'on ne connaît pas toujours tout l'historique. Et donc, du coup, il y a Camille qui va nous commencer un petit peu à nous présenter le projet et la lutte qui suit. Ouais. Donc, je vais vous retracer un peu l'historique du projet d'aéroport donc, de Notre-Dame-des-Landes qui est né donc, en 1976. Ça a été une belle idée des collectivités locales, l'idée de créer donc, un aéroport Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes, donc à 15 km de Nantes. Donc l'idée, c'était à l'époque de créer un aéroport pour accueillir le Concorde, en fait. Donc c'était l'idée de l'époque, dépassée depuis. On avait aussi dans l'optique de créer une espèce de troisième aéroport parisien, en fait, qui déchargerait l'Île-de-France. Et permettrait aussi, en étant plus proche de l'Atlantique, des communications plus simplifiées, en fait, avec les États-Unis et le continent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'était pour faciliter ces échanges-là de touristes, de marchandises également. Ça, c'est les premiers arguments, en fait, pro-aéroport, qui légitimaient, en fait, pour les élus locaux, principalement PS, la création de cet aéroport. Il a été enterré, en fait, le projet en 81. Donc, disons que les collectifs, les associations qui s'étaient créées à la base pour lutter contre cet aéroport se sont, mis en veille. Et en 2000, le dossier a été réouvert, en fait, par le gouvernement Jospin. qui a souhaité se pencher dessus et donc relancer le projet, le remettre sur les rails. Donc les associations locales existantes, la CIPA, association plus rassemblant les riverains, les associations, les collectifs locaux en fait, s'est réactivée. L'ADK aussi, qui elle rassemble plus les associations de paysans en fait, toute la frange paysanne qui lutte localement, donc se sont réactivées et ont engagé en fait de leur côté un cabinet d'expertise hollandais indépendant pour démonter en fait chaque argument point par point des promoteurs du projet d'aéroport. En 2008 en fait il y a un appel d'offres qui est lancé par les promoteurs du projet aux entreprises de aux constructeurs quoi, Bouygues, Vinci et compagnie pour donc se lancer dans la construction de l'aéroport. Et donc c'était une concession, un partenariat public-privé qui était lancé en fait officiellement par le gouvernement, donc sous le gouvernement de Sarkozy. Et donc Vinci a répondu positivement et était intéressé par le dossier et s'est investi activement sur sa construction. Dès le début de la naissance du projet, donc en 1976, il y a eu la création sur place à Notre-Dame-des-Landes d'une zone d'aménagement différé dont les 10 minutes. Enfin, donc raccourci, ça fait la ZAD, qui c'est le nom un peu technique qui a été donné à la zone, qui donc représente environ 2000 hectares de terres agricoles, qui n'a pas été touchée donc depuis les années 76 par des politiques d'aménagement du territoire, parce qu'elle était, disons, réservée à ce projet d'aéroport. Donc sur place, à la base, il était impossible pour de nouveaux exploitants agricoles de venir s'installer et de monter donc des exploitations. Mais ça a été obtenu en fait dans les années 80 que des nouveaux agriculteurs puissent venir s'installer. Donc en fait, l'activité agricole s'est poursuivie depuis la naissance du projet jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu cependant quand même énormément de riverains qui sont partis s'installer ailleurs et qui ont vendu, ou tout simplement des gens qui sont décédés et qui ont laissé leur maison, et automatiquement elles étaient rachetées par le Conseil général, donc le département Loire-Atlantique, qui a agrandi la surface donc des terres qui lui appartenaient sur cette ZAD et aux alentours également. Voilà. Aujourd'hui, la ZAD est devenue, depuis 2008, a été petit à petit réoccupée par des occupants qu'on appelle illégaux, les squatteurs, entre guillemets, qui sont venus s'installer dans une logique militante sur les terres bocagères de Notre-Dame-des-Landes, pour ne pas les laisser à l'abandon et continuer à les exploiter par de l'agriculture du coup locale, biologique et à des fins donc alimentaires, d'autogestion, etc. Donc, depuis les années 2008, bon, au début, ça a été assez délicat. La coexistence entre les habitants, les riverains locaux, les paysans, les squatteurs, comme on les appelait. Et petit à petit, l'entente a fonctionné, quoi. Disons, la cohabitation s'est construite avec des moments délicats, mais aujourd'hui ils cohabitent et ils luttent pour la même chose, ils fonctionnent ensemble. Il y a des AG régulières qui réunissent donc les riverains, disons historiques, et militants historiques et les nouveaux arrivants qui sont arrivés petit à petit s'installer sur la zone donc depuis 4 ans. Le projet d'aéroport a connu différents rebondissements depuis les années 2000, depuis la concession du projet. Disons que les étapes ont continué à progresser en fait et aujourd'hui on a les expropriations qui ont été lancées cet été en fait auprès des riverains légaux qui habitent encore sur la ZAD et suite à ces expropriations, il y a eu énormément de recours depuis le début en fait. Il y a eu énormément de recours en justice entrepris par la CIPA, l'ADECA et les différentes associations qui militent localement. Et donc, ils ont obtenu, suite à une grève de la faim qui a eu l'année dernière, en 2011, qui a duré près de 28 jours, en fait, 28 jours. Le gouvernement a accepté, en fait, c'était juste pendant la campagne présidentielle, entre les deux tours, François Hollande, qui a demandé à ce que les agriculteurs mettent fin à leur grève de la faim et a accepté de repousser de 2 ans les délais des expulsions en leur accordant que les expulsions ne puissent avoir lieu qu'une fois que tous les recours juridiques soient épuisés. Voilà. Disons qu'en 2000, cette année, en 2012, il y a eu un forum européen. En fait, depuis 2007-2008, il y a tous les étés un festival organisé là-bas, sur la ZAD contre l'aéroport. Je pense que effectivement, on en reparle. Ouais, on en reparle. Ok, donc on va revenir aux expulsions ces derniers le 16 octobre qui ont commencé et qui ont déclenché, disons, la mobilisation à l'échelle nationale. Voilà. Merci beaucoup. C'était très bien expliqué. Normalement, là, tout le monde sait où on est. Donc là, à peu près, les cartes sont posées. Non, mais du coup, c'était vrai que c'était bien de pouvoir un peu tout reprendre, quoi, pour pouvoir un peu continuer justement à discuter. Du coup, par rapport à l'actualité, la dernière, on a effectivement pu voir qu'il y avait, au-delà, parce que tu as parlé de la région de Nantes, des gens de Nantes qui sont mobilisés, les agriculteurs et puis les gens qui étaient venus occuper. Puis il y a eu aussi dernièrement des grandes manifestations qui ont aussi ramené plein de gens. Il y avait le forum, tu le disais, qui ramène plein de gens. Et du coup, il y a aussi une lutte qui s'organise. Peut-être qu'on peut parler de ce qui s'organise vraiment concrètement sur place, non ? Parce que ça a pas mal évolué justement depuis cet été, sans doute. Non, peut-être pas depuis cet été, je ne sais pas exactement. Racontez-nous un petit peu, votre... Peut-être, là où on en est dans premier temps, on pourrait parler du comité qui s'est installé, qui a été créé à Paris. Je pense qu'on peut laisser la parole à Camille, qui nous dira ça beaucoup mieux que moi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 16 octobre, a été déclenchée une opération tristement célèbre qui s'appelle l'opération César, d'expulsion... des occupants de la ZAD, notamment de plusieurs lieux qui étaient occupés, des maisons en dur, aussi bien que des cabanes ou des caravanes, qu'importe. Et donc, à partir du 16 octobre, il y a eu cette grande expulsion qui a été médiatisée. On a été un certain nombre de militants à se réunir très rapidement devant le ministère des Transports à Paris, à l'appel de la vigie citoyenne nantaise. Et on s'est dit que ça pouvait pas durer, c'était pas possible. On a donc créé un collectif francilien de lutte contre l'aéroport. On a à notre actif un certain nombre d'événements qui viennent jalonner un peu depuis la création de ce collectif. On a fait donc très rapidement des assemblées générales au CICP, 21 Terre rue Voltaire, donc dans le 11e, assez connu. On a dû changer de lieu récemment, mais donc globalement, on tient à G toutes les semaines, tous les mardis, à partir de 19h. Cette semaine, ça va être particulier. On va commencer à 18h30 et on va commencer par des commissions. Et à 20h, on enchaînera sur l'AG. Donc, si vous êtes intéressé pour venir à l'AG, c'est à 20h au CICP. Donc, ensuite, on a fait une manifestation devant l'Assemblée nationale. On en a fait deux, en fait. La dernière devant l'Assemblée nationale s'est terminée par 77 contrôlés. C'est pas une garde à vue, on a été emmené rue de l'Évangile, on a été contrôlé. Et donc voilà un peu, c'est le sommet de l'iceberg. On a eu aussi des copains qui ont été mis en garde à vue, à la suite de permanence qui auraient été dégradées, permanence PS. Et il y a eu aussi une intervention sur France Culture en concomitance avec l'intervention de Jean-Marc Ayrault. On a fait une grosse manif au départ de Belleville. On était entre 2500 et 3000 personnes. Les médias ont parlé de 700 personnes, mais bon, on était très nombreux. Il y a eu une petite aspersion de tracts sur une péniche Vinci qui passait sous les ponts de la Seine. Voilà, bon, les actionnaires ont reçu une petite pluie de tracts au visage. On a fait récemment une grosse réunion publique avec l'intervention de Michel Tarin et d'un Camille de la ZAD, Michel Tarin de la CIPA, et avec beaucoup de journalistes assez connus dans le milieu de l'écologie qui sont venus assister à cette réunion. Voilà, et bien sûr, le 17 novembre, on était présents sur la ZAD pour la grande manifestation de réoccupation qui s'est très bien passée. Un village a éclos, la Châtaigneraie, la Châtaigne aussi. Enfin, il y a plusieurs noms qui sont donnés. Et voilà, récemment, il y a une crèche qui est en train de se construire là-bas. On en reparlera peut-être un peu après. Et donc là, le dernier événement qui nous a concerné, c'était la réunion de tous les comités intercollectifs qui s'est déroulée ce week-end sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Et ben voilà, c'est un peu l'historique pour le collectif Île-de-France de lutte contre l'aéroport. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va continuer à en parler, justement, parce que je pense qu'effectivement, là, tu as déjà donné la date. Peut-être que vous avez un blog où il y a quelque chose au niveau d'Internet pour que les gens puissent suivre. Parce que s'ils ne peuvent pas venir ce mercredi... c'est mercredi, c'est ça ? Pardon ? C'est le mercredi ? Voilà. C'est mardi soir. Mardi. Tous les mardis soirs. Voilà, donc là, ce mardi-là, ce sera au CICP. Et on verra pour la suite. Mais donc, de toute façon, il y aura, je pense, une petite relâche pendant les vacances, puisque les deux mardis tombent le 24 et le 31, il me semble. Il faudra vérifier sur les calendriers, mais il me semble que c'est bien ouais, ça. Ouais, 25 premier, justement. Voilà. Donc, relâche pendant les vacances. On reste quand même mobilisé. Hein, s'il y a des oreilles indiscrètes qui nous écoutent. On est très attentifs. Voilà. Et donc, en fait, ma question, c'était donc, si les gens ne sont pas venus ce mardi-là, ils arrivent à vous rencontrer comment ? Est-ce qu'il y a un... Alors, il y a un site qui s'appelle nddl-idf.org sur lequel vous pouvez trouver quelques informations. Il est encore en gestation, on pourrait dire. Mais voilà, c'est le site du... Sinon, vous pouvez nous contacter très simplement à collectif NDDL Paris IDF @riseup.net. Voilà. Donc si on n'a pas noté là tout de suite, on va le répéter tout à l'heure. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils ont le temps de prendre le stylo et le papier. On va faire une petite pause musicale et on enchaîne toujours sur Notre-Dame-des-Landes avec le collectif ici présent. Merci à vous, on continue. Musique. Du haut des cimes, de la forêt de Roanne, du salon à la cuisine, dans toutes les cabanes, ça mène. Toujours le doux refrain, orchestré par des hommes, matraque à la main. Expulsion du terrain, l'avion décollera demain. Mais on résiste, main dans la main. Expulsons leur bande de pantins. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Leur bande de pourris à la pote de Vinci. Leur bande de technocrates, social-démocrates. Sur nos terres, pas d'aéroport, pas de béton pour ces gros ports. Habite de spéculation, t'as réfléchi et ton pognon. Jamais ne nourrira nos gosses. Face à vous, on restera féroce. L'heure est de retour à la terre. Expulsons leur bande mensongère. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Leur bande de lâches, soldats des mégalos, prêts à gazer des vaches à coups de taser et lacrymo. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes. Des sabres peuples et des curés, jusqu'à quand les gens de guerre tiendront le haut du pavé. On va rien lâcher, on plantera des patates, on te fera bouffer le moindre gramme d'asphalte. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Face à vous, de dangereux terroristes, armés de bon sens, de palettes et de vis, qui jettent des poireaux à la figure. Pauvres flics, tout proche de la bavure. Ici, tout le monde est solidaire, la ZAD tient bon et ne lâchera pas l'affaire. Ici, tout le monde est solidaire pour construire un monde sans leur bande d'actionnaires. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. En 6.3, fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, le programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et donc, tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30 en direct, mais on est retransmis également le jeudi matin à 8h, à 8h ou 8h30. Oh là là, j'ai toujours cette petite confusion. Donc, ben, voilà, le matin, donc vers 8h, 8h30. Et donc, on est avec le collectif Île-de-France qui s'est monté contre ce projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc, on est avec les copains Camille. Et donc, y a une nouvelle Camille qui est arrivée, donc qui débarque. Donc, on l'invite à être à la table également, à participer. Donc, du coup, on va pouvoir un petit peu parler de la suite. Hein, on reprend la suite. Et donc, on était sur un petit peu ce qui se passait là dernièrement. Donc, effectivement, il y a une lutte. Il y a des collectifs et des comités qui se montent un peu partout. Il y a eu une réunion très récemment, donc là, on va attendre un petit peu avant. On va resituer peut-être encore un peu plus sur ce qui se passe, parce qu'au niveau de l'activité sur place, il s'est passé énormément de choses, au-delà de la question des expulsions, mais peut-être resituer un petit peu. Il y a eu des moments de répression, de grandes manifestations, des blocages de routes. Donc il y a peut-être des gens qui ne sont pas vraiment au courant, et je trouve que ce serait bien de pouvoir vraiment pouvoir un peu avoir les 2-3 infos sur là où on en est justement, pour comprendre là où on en est justement aujourd'hui. C'est bien de reciter. Ok. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'expulsions qui ont eu lieu et progressivement qui ont vidé cette fameuse zone d'aménagement différé de ses habitants. Or, cette suite d'expulsions n'est sûrement pas achevée et a lieu toujours. Donc, il y a une nouvelle vague d'expulsions qui ont eu lieu il y a peu de temps, et donc avec des paysans, des agriculteurs hein, qui continuaient à cultiver sur la ZAD, qui se sont vus, il y a très peu de temps, expulsés. Suite à cela, il y a eu donc cette fameuse manifestation du 17 novembre avec une réoccupation des terres et l'installation d'un village qui permettait donc la vie sur place, l'amélioration en tout cas des conditions de vie des militants qui sont sur la ZAD. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi le renforcement de cette alliance entre les habitants et les gens qui sont venus en tant que militants de France, mais aussi de toute l'Europe pour soutenir hein, les agriculteurs. Donc, il montre encore que depuis le temps où c'était difficile à un moment donné, cette lutte, c'était difficile de faire l'union, là aujourd'hui, on peut dire qu'elle est vraiment, il y a une très forte solidarité entre les militants et les agriculteurs sur place. Donc, les expulsions. Évidemment, le rouleau compresseur de l'État, du Conseil régional, etc., continue. Hein, donc, on continue à faire pression sur les habitants. Donc, avec ce 17 novembre, réinstallation sur les terres, comme par hasard, le Conseil général a décidé de vendre, de céder tout de suite, très vite, les terres à Vinci, ce qui fait que les cabanes se sont retrouvées en grande difficulté, avec l'idée d'expulser d'abord les habitants qui se sont immédiatement installés à l'intérieur, et en plus, hein, derrière, de raser les cabanes. Donc, là encore, très forte mobilisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a hein, on aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler. Hein, on a la fameuse commission du dialogue qui donc devrait venir nous expliquer en quoi cet aéroport serait formidable. Évidemment, elle fait beaucoup rire tout le monde et on l'attend avec impatience. Voilà, il paraît qu'elle est arrivée à Nantes, donc voilà. Elle a pris le TGV. Elle a pris le TGV, ouais, voilà, depuis Paris. Attention. Donc évidemment, cette mobilisation que j'ai dit constante avec beaucoup de moments forts a beaucoup permis de médiatiser, de populariser la lutte, ce qui fait que progressivement, il y a de plus en plus de comités ou de collectifs qui se sont constitués partout en France. Donc ça peut être dans des petits villages, ça peut être dans des grandes villes. Énormément de comités se sont créés. Et il a fallu qu'on se retrouve un peu pour discuter de ce qu'on envisageait de faire ensemble, de comment on allait construire la lutte tous ensemble, maintenant qu'on était partout en France. Ce week-end, on s'est réunis à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. On s'est réunis, mais alors on était plutôt très nombreux. Hein, je trouve là je rentre dans quelque chose de très subjectif parce que on n'a pas eu le temps de se concerter encore depuis dimanche. On est un peu tous arrivés entre dimanche soir, aujourd'hui, etc. Donc du coup, voilà, c'est très subjectif. Fait encore. Hein, donc on n'a pas, pas une parole collective, pas eu d'assemblée ensemble. Donc je tiens à préciser quand même que voilà. Chacun a pu voir un peu les choses de façon très différente suivant le week-end qu'il avait vécu, sachant qu'il y avait plein de commissions différentes. On peut dire déjà que certains points discutés, notamment à l'AG du collectif Île-de-France de lutte contre l'aéroport, ont été actés, notamment sur toutes les questions que l'on se pose sur quel projet de société on veut mener au-delà de cette lutte contre l'aéroport, puisqu'il y a bien évidemment sur cette ZAD une cristallisation de communautés, d'utopies, de visions du monde tout à fait différentes, de choix de société, de vie, des formes de vie totalement différentes de ce qui nous est imposé. Et donc, il y a en effet cette question qui est revenue énormément. Il y a pas mal aussi sur la convergence des luttes puisqu'on est, on est tous concernés, plus ou moins. On a des, les ZAD sont partout. On peut dire que les ZAD sont partout aujourd'hui et qu'on on est vraiment concernés à tous les échelons, sur tout le territoire et même au-delà. Ça peut aller même en Russie, ça peut aller avec la forêt de Khimki, ça peut aller à Phnom Penh. Et il y a vraiment une généralisation de ce désastre. Et il y a une convergence des luttes qui a mené. Et c'était quand même pas mal soulevé lors de ces réunions. Voilà. Donc, on peut continuer, si oui, on peut enchaîner sur... on pourrait enchaîner sur le Notav. Par exemple, il y a encore, il y a encore plein de choses à dire. Il y a encore plein de choses de ce week-end. Parce que, enfin, on attend autre chose parce que de toute façon, on sait très bien que la lutte autour de Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement. Enfin, je pense que c'est ça qui est intéressant justement. Enfin, c'est pour ça aussi que nous on parle beaucoup de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est précisément pas la question de l'aéroport en tant que tel. Seulement qui est mise en, en cause, mais plutôt un peu le lieu paradigmatique sur lequel tu te dis, ben voilà, c'est vraiment, il y a toutes les cartes, c'est-à-dire que tout le monde a, parce qu'on pourra aussi reparler de toutes les stratégies aussi qui sont menées de leur côté pour que justement viennent à l'esprit l'indispensable projet d'un côté et de l'autre qui essaie des gens qui luttent et qui te racontent combien ce projet il n'est pas pour nous. Mais du coup, justement, il y a tout plein de choses à raconter, je pense. Je pense que oui, il faudrait peut-être revenir sur la constitution, enfin l'organisation, en fait, des différents comités en France. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que chaque comité, bien évidemment, est très indépendant. Ce qui fait que les réactions, hein, il ne s'agit pas de tous aller à Paris ou forcément, ou de tous aller aussi sur la ZAD. Il s'agit... suivant les moyens de chacun, suivant les dispositions aussi politiques, parce que les actions ne sont pas forcément les mêmes en fonction de nos trajectoires politiques, mais chaque comité a la possibilité, là où, d'où il est, de construire ses réactions face aux événements qui peuvent se passer sur la ZAD. Donc cette forme d'organisation, on est sur de l'action décentralisée. C'est comme ça que ça a été appelé, proposé par la ZAD d'ailleurs, pour les ZADistes. Et on a suivi parce qu'effectivement, ça nous semblait plutôt pertinent et plutôt intéressant. Ce qu'on a décidé tous ensemble, c'est que si jamais la préfecture décide d'attaquer sur la ZAD les maisons ou d'expulser ou un autre événement marquant qui pourrait arriver sur la ZAD, nous réagirions tous les comités de façon décentralisée dans les 48 heures qui suivent, hein, et ça pour nous c'est quelque chose déjà c'est une première chose qui était actée, qui a été on est tous y a un consensus très fort qui s'est exprimé déjà sur ce premier point. Il y a d'autres choses encore. Du point de vue décentralisé, il y a on va organiser une grande manifestation à peu près autour du 18-19 janvier. Cette fois pour s'attaquer à Vinci. On trouve qu'on l'a un peu ménagé, Vinci. Et quand même, c'est un des acteurs principaux de la construction de cet aéroport. Donc 18-19 janvier, attendez-vous à ce qu'on fasse des actions décentralisées, et notamment à Paris, bien sûr, contre Vinci. Donc, pour continuer un peu, revenir juste sur le week-end intercollectif, il y avait, au tout début de la rencontre, il y a eu en fait un tour de parole qui a été fait autour des actions qui ont été menées un peu partout par les différents comités de soutien qui se sont montés dans les régions. Et ça a été un moment assez agréable de partage entre les différents comités de soutien parce qu'on a pu un peu mesurer la créativité des gens, à quel point ils ont été inventifs localement à lancer des initiatives très spontanées un peu partout en France de péages gratuits, parkings gratuits, donc des parkings Vinci et des péages Vinci. Il y a eu des occupations d'aéroports, il y a eu du théâtre de rue, il y a eu différents points de ravitaillement de la ZAD qui se sont montés un peu partout pour que ils convergent du coup différents, des aliments, des vêtements chauds pour être ensuite amenés sur place, approvisionner les occupants de la zone. Et il y a eu également des actions de redécoration de vitrines et d'enseignes un peu partout, souvent des vitrines de locaux du Parti Socialiste et également des enseignes Vinci. Il y a eu énormément de tractages qui ont été faits un peu partout, pendant les marchés, ce week-end, sur les places des mairies. Enfin, ça a été vraiment très spontané et ça a eu lieu partout, en fait. Donc, c'est comme ça qu'un peu ça a commencé l'AG de intercollectif ce week-end, par un récit donc, de ce qui a pu se faire dans chacune des régions où la lutte a pris, quoi, a été reprise. Et il y a eu notamment la création d'une liste de coordination du mouvement avec les différents comités locaux qui peuvent désormais se coordonner par le biais d'une liste mail, en fait, par laquelle ils peuvent se communiquer plus facilement sur leurs actions, les rencontres éventuelles. Et il y a eu également plusieurs propositions d'action, comme le disait tout à l'heure Camille, sur différentes sortes de mobilisations qui pourraient y avoir donc en cas de soit d'opérations policières sur place sur la ZAD, donc soit également en cas de début des travaux, en fait, de commencement des chantiers. Il y a eu par exemple l'idée d'entreprendre, de déclencher une grande manifestation de blocage du chantier s'il y avait, par exemple, au printemps prochain, en mars 2013. On sait qu'il y a déjà la construction du barreau routier qui est projeté pour cette période-là. Donc ça va être aussi la fin de la trêve hivernale, donc le début des expulsions des cabanes si elle n'a pas eu lieu avant. Le but, ce serait d'aller bloquer les travaux, les machines qui arriveraient sur place. Même si elles ne concernent pas directement les riverains de la ZAD, ça touche quand même au projet. Donc, c'est important d'y être et de ralentir au maximum. Voilà. Et un autre point crucial de cette rencontre intercollective était de vraiment concentrer aussi les efforts pendant tout l'hiver à protéger, et même après, au printemps, à protéger la forêt de Roanne contre les tronçonneuses, quoi, parce que vraiment on projette de déboiser, de déforester cette forêt qui est centrale, qui est au milieu de la ZAD, dans laquelle il y a plein de cabanes de vie, dans laquelle à côté de laquelle est la châtaigneraie qui a été reconstruite, donc enfin là où les cabanes ont été reconstruites le 17 novembre. Donc c'est un lieu qui est menacé et qui est sur lequel il faudra vraiment, par contre, même si on appelle à des actions décentralisées, il faudra y aller, quoi. Parce que ça suffira pas de occuper des mairies dans toutes les villes de France si sur place il y a toute une équipe d'ouvriers qui arrivent, enfin de constructeurs qui arrivent et qui commencent à déboiser, quoi. Donc voilà, c'était quelques points qui ont été sur lesquels il y a eu un accord qui a été fait pendant le week-end. Donc, vous aviez d'autres points sur le week-end, sur cette rencontre qui avait eu lieu ? On peut dire que qu'il y a eu une tentative des forces de l'ordre un peu de bloquer les mouvements sur place, notamment à la Saulce. On a quand même pu organiser un petit pique-nique festif qui a été un peu arrosé de lacrymogènes par les forces du désordre. Et peine perdue, puisqu'on a pu quand même faire traverser des tracteurs jusqu'à la châtaigneraie pour pouvoir construire, pour faire passer du matériel, pour pouvoir construire une crèche. Voilà. Bon, alors du coup, peut-être qu'on va parler finalement de cette crèche, de ce projet, de ces reconstructions de cabanes, parce qu'en fait, il y a eu destruction et reconstruction derrière. Perpétuellement. Non, perpétuellement. C'est... Se balader dans la ZAD, celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, c'est toujours très étonnant parce qu'on se concentre beaucoup aujourd'hui sur la Châtaigneraie. Il faut savoir déjà d'entrée, des maisons, des cabanes, des tentes, des yourtes, il y en a toujours partout. Ça reste toujours le cas, malgré l'action policière. Ça se reconstruit ailleurs quand c'est détruit. Pour ça, les constructions, on les retrouve partout sur la ZAD. Bon, c'est une première chose. Alors, concernant le petit village de la Châtaigneraie, qui a été construit donc, le 17 novembre, il est toujours complètement actif et on continue, bien évidemment, malgré les décrets de la préfecture, malgré ce qu'il peut s'en dire, à construire sur place. Donc il y a eu un truc un peu incohérent, on n'a pas très bien compris comment ça a pu se passer, mais bon, ça doit faire partie des incohérences liées aux forces du désordre. C'est que parfois ça joue pour nous, il y a effectivement ces tracteurs qui ont pu passer très facilement et pour apporter le matériel pour construire donc une crèche qui devrait être prête a priori ces prochains jours. Donc c'est intéressant que si vous avez donc des enfants, vous saurez que bientôt ils pourront être accueillis pour tout le confort possible et pour jouer avec les Playmobil. Sinon, on va parler des Playmobil un peu plus tard. Il y a aussi un sleeping qui se construit, qui doit facilement faire. Là, on en était encore à la structure, donc faire quelque chose comme 30 mètres sur 15 mètres de rectangle. Enfin, vous voyez, vous comprenez, de surface. Un grand bâtiment, quoi. Un truc on peut loger des gens, quoi. Là, voilà. Là-bas, sur place, il y a le camping hors contrôle avec toutes les possibilités aussi. Vous venez avec votre tente, vous vous installez. Si vous avez froid sur place, il y a des couvertures en plus, il y a la nourriture, il y a tout ce qu'il faut pour reconstituer ses forces, pour être d'attaque, quoi. Donc c'est tout ça. Il faut bien envisager que là-bas, sur place, vraiment l'ambiance est déterminée. Les gens qu'on peut rencontrer, les copains qu'on peut rencontrer partout sur la ZAD, vraiment sont plutôt optimistes. On est quasiment parfois, on est sur des discours où on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passerait après l'aéroport, en se disant il n'y aura pas d'aéroport. Et sur place, quand on est sur place, c'est vraiment cette sensation que cet aéroport, il ne peut pas se faire. Parce qu'il y a déjà des choses en train de se construire. Juste par rapport au fait qu'il y a tous ces lieux qui ont été construits, notamment au moment de la manif de réoccupation du 17 novembre dernier, il y a eu un appel... la question a été posée pendant le week-end de rencontres intercollectives de les ouvrir aussi et de les mettre à disposition des différents comités de soutien et de tous les gens qui ont participé à la manifestation du 17 novembre, de venir aussi les investir et y faire des choses. Voilà, c'était juste pour dire que tous ces lieux-là qui se construisent, qui se dressent, ils ne sont pas que pour les habitants, les occupants de la ZAD. Ils sont aussi pour tous les gens qui viennent apporter un coup de main et qui croient en l'utilité de résister sur place. Et c'était une proposition ouverte, quoi, pour tous les gens qui arrivaient de l'extérieur. Est-ce que ça tient toujours, sinon, ce rassemblement prévu à Belleville, 18h30, en cas de... Oui, normalement. Alors, en fait, on avait fait cette proposition-là en commission action-réaction. C'était validé en AG, il me semble. Ouais, c'était validé en AG de faire en cas d'opération policière sur la ZAD d'ampleur, on se retrouverait si on apprend la nouvelle tôt le matin, soit à 10h à Belleville, soit... Je sais pas, je crois que ça a été annulé. Ça a été annulé. Ok, d'accord. Donc 18h30. On n'est pas levé, nous. Ouais, 18h30 à Belleville. Donc si tous les auditeurs... Rendez-vous 18h30 à Belleville, si vous êtes parisien, si vous êtes de l'Île-de-France. Venez nous rejoindre à 18h30 à Belleville si vous entendez qu'il y a une opération policière d'ampleur, d'expulsion par exemple, ou d'attaque des cabanes de la Châtaigneraie, ou même les rosiers, il me semble, les rosiers sont expulsables. Les rosiers sont détruits, rasés depuis le 23 novembre. C'est quoi alors ? Il y a tellement de... Le Far West. Le Far... Il n'y a pas un autre... Quel que soit le lieu, de toute façon. Bref, quel que soit le lieu. Enfin, le ou le nom, le... Donc, quel que soit le lieu, rendez-vous 18h30, Belleville. Voilà. On va faire une petite pause musicale et on continue encore avec les copains du collectif contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Soldat de César, t'as pas saisi, ça va te prendre des heures et des heures et des semaines et des mois. Tu patouches, ça fait plaisir, on va têche, ça va te faire bizarre. Tu vas finir dans le bocage, à poil à crier. Aidez-moi. Playmobil, du tambour, Vietnam, Bérésina, tu vas te faire fumer à la tour. Arrête de casser des maisons pour rembourser ton crédit. Les SP2, tu peux pas tester le triton crédé. T'as pas compris, c'est une arnaque, y'a pas d'avenir pour le tarmac. T'as vu ton pote est tombé de l'arbre. Oh, mesquin. Allez, retourne dans ta grotte, Julie Lesco. T'as du purin, t'as la déroute, t'es ridicule. Et sa tête quinte, t'es le Robocop à l'assaut du potager. Fais gaffe, fais gaffe, le fourré c'est contagieux. Tu sens que ça monte, ça vient partout. Le mieux pour toi c'est de dégager, non mais sérieux, barre-toi. Affamé du progrès en béton, ta gorge est de Javel, Nantes, nécropole. Vinci à ta table, César à l'écro. Des petits fours en forme d'avion, les bulles de champagne en tête de gondole. Notre-Dame, bac à sable de la classe oligarchique. Zone à détruire, moyennant une grosse poignée de fric. Escadron, flashball, cravate en plastique, manche tes morts. Guerriero, bocager, lance des pavés de terre, toujours plus fort. Notre-Dame des ravages, ne leur accordez pas de fous fuyants, car ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Notre-Dame du carnage, il n'y aura pas de place pour leur manège en béton. Playmobil déchaîné, contre population acharnée. Tir de compost à bout portant versus grenade lacrymogène. Le duel s'établit, pas de prière, mais des barricades à faire chialer Vinci. C'est là, c'est pour la ZAD, c'est pour les planches et la pointe, c'est pour les cabas dans les arbres. Pareil que la France est sous zéro, les avions vont piquer du C. La vie c'est beau comme un pylône qui tombe, ni qu'un rêve à Vinci, mais des arbres en GAV, pas à tabac des insectes. Ni t'es acheté, ni t'es avé, la vie c'est beau comme une défaite de la machine invincible. Fuck off, comme un plug off. Celle-là c'est pour la salle, c'est des pierres contre des fusées. La France est sous zéro, les avions vont piquer du C. Ils sont partout nous aussi. Fuck off, comme un plug off. Celle-là c'est pour la salle. Fuck off, comme un plug off. Fuck off, ils sont partout aussi. Alors le cap. Les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers, tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains, il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près, eux devaient la boucler, nous parions, on chantait. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, Combien on vous paye pour faire ça? Combien ça vaut? Quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Oh, allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Pense à ce pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille, pendant que tu encaisses des cailloux, empêche les dents, ramasse les sous. Avoue franchement que c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur. Oh, allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter. Dans deux minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter. T'es bien dressé, baratiné. Mais au moins j'aurai essayé. Avant les postes de te causer. Oh allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour faire ça? Oh allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour faire ça? 106.3 fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, le programme mensuel du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et donc on est de 19h à 20h30 en direct le lundi et retransmis le jeudi matin. Et donc là ce soir nous parlions toujours et encore de ce fameux projet de Notre-Dame-des-Landes et surtout de la lutte qui s'y mène. Et donc on est avec le copain, le collectif copain Compañeros d'Île-de-France, donc un collectif qui s'est monté au mois d'octobre et qui donc chemine et est là avec nous ce soir pour nous parler. Donc on a un petit peu retracé l'historique, on a parlé de la création du collectif Île-de-France et puis de la rencontre qui avait eu lieu le week-end dernier là pour justement un peu essayer de coordonner ces différents collectifs qui donc vont procéder chacun selon son mode mais avec une même logique, c'est-à-dire d'avancer dans la lutte et de se manifester et de pas lâcher, être solidaire. Et donc justement on en profite tout de suite pour rappeler tout de suite peut-être le rendez-vous de demain pour les gens qui veulent retrouver le collectif, hein. Donc, c'est au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, métro rue des Boulets, à 20h pour l'AG et les commissions 18h30. Et puis, on en profite aussi peut-être pour rappeler le site internet pour les gens qui veulent avoir des infos. nddl-6-idf.org. Et vous pouvez nous contacter aussi sur le mail collectif nddl@riseup.net. Il y a d'autres sites aussi avec des informations, des flash infos sur la ZAD. ZAD.nadir.org, c'est ZAD-nadir.org. Non, ZAD.nadir.org. ZAD.nadir.org. Voilà. Et là, il y a tous les flash infos et toute l'information qui se fait jour par jour, minute, enfin pas minute par minute, mais au temps où ça peut passer l'info. Et dedans, il y a des textes, des photos, des reportages, un peu de tout à trouver sur la ZAD et l'aéroport. Oui, il y a également le site de l'ACIPA. Il me semble que c'est acipa.free.fr. Voilà, où ils ont où ils font une revue de presse avec tous les articles qui ont été publiés sur le thème de Notre-Dame-des-Landes, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes depuis des années en fait. Et il y en a plus de 6000 dessus, donc on peut facilement faire l'historique presse, du moins du projet, en allant sur le site de la CIPA. Voilà. Et donc justement, il y a ce programme, ce projet. On voulait un petit peu quand même parler de la question de la répression. Il y a eu quand même des procès, il y a eu un certain nombre de choses. Et puis on voulait aussi pas oublier de parler du fait que ce projet-là en France, mais c'est la logique, on le disait, partout dans le monde avec des projets qui sont différés ou pas en place. Et donc on parlera aussi de Notav aussi après, par exemple, puisque c'est l'un des projets aussi qui est en place depuis longtemps. Du coup, sur la répression, ça nous paraissait super important de revenir là-dessus parce que derrière la répression qui a débuté, il n'y a pas de date de début, la répression elle a toujours eu lieu contre les opposants donc, qui se mobilisent contre ce projet. Mais on voulait parler notamment de comment on qualifie la violence parce que... Parce que sur place, en fait, il y a une dynamique qui s'est mise en place d'autodéfense. Et qui n'est pas donc, enfin sur place, sur la ZAD, donc on ne prône pas la non-violence, on ne prône pas la violence non plus. On défend l'auto, enfin voilà, on promeut l'auto-défense parce que face à la répression policière, il faut bien se défendre, il faut bien être là, montrer qu'on se laissera pas faire, qu'on se laissera pas écraser. Et pour ça, il y a des moyens, disons, de violence plus matérielle, de la violence contre les hommes, mais la violence sur les engins, sur des machines, par exemple, les machines de construction qui viennent sur place, les pelleteuses, les tracteurs, enfin, pas les tracteurs, justement, les tracteurs, ils sont là pour défendre les cabanes, parce qu'il y a une quarantaine de tracteurs, en fait, qui sont venus s'enchaîner les uns aux autres autour des cabanes de la Châtaigneraie, donc, qui ont été reconstruites le 17 novembre, et qui sont là pour empêcher les machines d'arriver. Donc, en fait, on a la violence policière d'un côté, l'autodéfense de l'autre. Et c'est vrai qu'on a tendance... Enfin, en fait, il y a eu deux tribunes dans Le Monde qui ont été publiées la semaine dernière. Tu voulais en parler peut-être Non, en fait, je voulais juste dire justement qu'il y avait cette tribune dans Le Monde qui était très explicative à ce sujet-là, que vous pouvez retrouver le texte en intégralité justement sur le site zad.nadir.org. Et qui répond très bien justement à ces arguments de il y aurait hypothétiquement deux camps, les historiques qui seraient de gentils écolos et des occupants qui seraient des anarcho-autonomes, j'allais presque oublier le terme. Et donc voilà, c'est pas du tout le cas, il y a pas de dissociation, c'est un mouvement uni, solidaire. Et donc voilà, il y a cette tribune qui l'explique très bien. Sans la résumer, je vous invite à aller sur le site du Monde. Sinon, vous pouvez la trouver sous le nom pacifiste. Mais pacifiste que ça. Mais pacifiste, c'est un jeu de mots, quoi, à la Lacan. Bref, je voulais revenir quand même sur la situation d'un copain qui est passé en comparution immédiate. Juste sur cet article, en fait. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais en fait, ce qui se passe, c'est une réponse aux deux tribunes qui ont été publiées dans Le Monde la semaine dernière, dans laquelle les occupants de la ZAD expliquent qu'ils ne sont pas pour le fait qu'on taxe de non-violents ou de violents le mouvement. En fait, le mouvement, il est divers, il est composé de différents modes d'action qui coexistent, qui fonctionnent ensemble et qui ont appris à fonctionner ensemble. C'est une tendance qu'il y a dans les médias de balancer entre les deux et souvent, en fait, les défenseurs plus affiliés politiquement, par exemple chez Europe Écologie Les Verts, ont tendance à dire que le mouvement, il n'est pas violent, il est totalement pacifiste. Sur place, on utilise des légumes pour se défendre. Et c'est pas vrai. Enfin, on utilise les moyens qu'on a pour stopper les machines. Et avec des légumes, on peut pas stopper des machines. On peut pas stopper la répression policière, quoi. Et donc, justement, il y a un camarade qui a été pris sur une barricade par des flics infiltrés. Je crois que c'était lors de cette intervention-là. Vous pouvez trouver facilement son numéro d'écrou sur le site zad.nadir.org. C'est le copain Cyril. Donc voilà, on pense à lui. N'hésitez pas à lui faire un petit courrier. Vous trouverez donc son numéro d'écrou très facilement sur le site zad.nadir.org. Et juste aussi signaler qu'il y avait eu la lettre d'un médecin qui a été diffusée publiquement sur les violences policières. Ce médecin avait juste dénoté sur une journée la bagatelle d'une trentaine de blessés graves, c'est ça ? 100. Oui, 100, ouais, voilà, 100, ok. 20 qu'elle a soignés, en fait. Voilà, une trentaine de blessés graves qu'elle a soignés. Sur les 130 qui ont été blessés sur la journée du vendredi 23 novembre, voilà. Et le samedi 24 novembre. Voilà. Donc, voilà, un petit point Moi, je voulais faire un petit point aussi sur le nombre de policiers qu'il y a sur la ZAD. En fait, en octobre, quand il y a eu toutes les expulsions, il y avait plus de 2500 forces du désordre qui étaient mobilisées. Aujourd'hui, ils sont à peu près 150 militaires en permanence. Et de dire en fait que la ZAD, ça représente l'équivalent de 1200 terrains de football, 8 fois Monaco. Il faut une quantité pour eux, pour pouvoir sécuriser la zone, pouvoir rentrer leurs machines, quand c'était énorme. Et c'est la première fois en France qu'il y a un projet d'une telle ampleur. C'est-à-dire qu'on est capable de mobiliser, l'État est capable de mobiliser 5000 gendarmes ou militaires sur de gros trucs comme le G20 ou le G8 à Strasbourg, ou tout ça, mais c'est sur des courts termes. Et là, on est sur du long terme, ça veut dire que ça fait plus de 2 mois qu'il y a des flics qui sont là au nombre de 800, 1000, 2000, qui sont en permanence, ça coûte des millions. Rien que pour les 3 millions aujourd'hui, mais pour les 2 semaines d'expulsion en octobre, c'était plus de 1 million et quelques, juste pour le défraiement des frais, l'hébergement, la nourriture. Et c'est les mêmes, c'est les gendarmes mobiles qui sont là depuis 2 mois. Il y en a même un syndicat de gendarmes qui a fait une petite lettre de dénonciation disant qu'ils n'en peuvent plus. C'est ça, ils n'en peuvent plus. Ils en ont marre. Et puis ils savent aussi qu'ils iront nulle part parce que c'est tellement énorme qu'ils peuvent toujours. Voilà, ils ont les forces, ils ont les machines pour détruire, pour expulser. C'est leur boulot, taper sur la gueule des gens, tirer à flashball à tir tendu à 10 mètres, faire 120 blessés en une journée. Mais nous, on y retournera tous les jours. Et puis, ça voudra dire qu'il devrait être là jusqu'en 2017, jusqu'à l'ouverture de l'aéroport. Et on sait très, très bien, comme eux, qu'ils n'y arriveront pas. Et donc, voilà. C'était juste pour faire un petit point sur la force, les forces de l'ordre qui sont là en permanence, la répression permanente, le contrôle permanent, parce que c'est du contrôle permanent des voitures, des gens. Ce sont des logiques qui sont appliquées en continu, en permanence, depuis le plan Vigipirate aussi bien dans les quartiers populaires que dans la gestion de Paris, maintenant du Grand Paris, cette idée de vouloir toujours repousser les classes populaires et ouvrières dangereuses plus loin. C'est aussi une logique qui est à l'œuvre sur Nantes Métropole. C'est le terme qu'ils ont donné pour un vaste projet qui s'étendrait de Saint-Nazaire à Nantes. Et c'est des logiques d'exclusion, de rejet des classes dangereuses, avec une logique qui favorise les dominants. Toujours cet aéroport, c'est bien évidemment quelque chose qui se met en place pour les affairistes, quoi, les hommes d'affaires, les dominants, les chefs d'entreprise qui vont pouvoir... Enfin, c'est même pas viable, mais bon, on imagine quoi, qu'ils vont pouvoir circuler à travers la planète pour nous exploiter, en gros, quoi. Et c'est toute une logique qui est à l'œuvre. Et vas-y. Il faut préciser quand même que sur l'aéroport aujourd'hui de Nantes, pour revenir sur cette question des exploiteurs, c'est du low cost. C'est du tourisme de classe moyenne. C'est pour ça que je disais, on pourrait y revenir. C'est pas des dominants. En plus, le piège, il est là, c'est que... il revient dans les poches. Mais l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ce qui justifie aujourd'hui sa construction, ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit « Ah, mais si, il faut, parce qu'il y a une augmentation du trafic », c'est justement que ça s'adresse à une population touristique, c'est du tourisme de masse. Alors effectivement, quand tu parles de la misère, peut-être que celle-là n'a pas accès à ce tourisme de masse. Mais la tentation... est grande de tirer les profits tellement vers le bas, enfin de tirer les profits, de tirer les coûts tellement vers le bas, hein, que du coup, ce tourisme de masse puisse s'adresser à ces populations-là aussi. Notamment, tu retrouves ça avec notamment les salaires des personnes qui travaillent sur les aéroports. Soit c'est de la sous-traitance, soit c'est les gens qui s'occupent de l'accueil dans les avions sont payés parfois c'est du 900 euros par mois pour du temps complet. Bref, la misère, elle est aussi présente là aussi, mais le trafic en lui-même, il s'adresse à une population qui n'est pas temps, voilà, une blessure exploiteur. Même si, évidemment, tu peux retrouver derrière Vinci, bah oui, évidemment, il y a un PDG, il y a... Voilà. De toute façon, c'est surtout pour servir Vinci qu'ils le font, c'est pas pour servir les voyageurs. Enfin, c'est-à-dire que, du coup, leur objectif, c'est-à-dire tous les projets dans le monde entier, c'est de construire des aéroports, des routes, des trains. Enfin, bon, les trains, c'est bof à la mode, mais il y a les TGV, en fait. Donc, il faut dire les TGV. Enfin, justement, on peut parler, justement, t'as Notav qui défonce des montagnes pour pouvoir faire passer des trains. Ouais, en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que, genre, à Nantes, il y a tout un... Enfin, je ne pense pas que le tourisme qui serait recherché serait que destiné... aux classes moyennes, parce qu'en fait, je pense au contraire que l'aéroport Grand Ouest, donc avec la mention HQE, haute qualité environnementale, ça fait partie d'un ensemble d'infrastructures mises en place à Nantes. Bon, tout ça, c'est très bobo, quoi. On a aussi... la réhabilitation d'un des grands bâtiments de patrimoine de Nantes, qui est l'ancien palais de justice, qui a été transformé en hôtel 4 étoiles avec des suites de luxe à 450 €, la suite la moins chère, quoi. Et je pense que tout ça, avec l'aéroport Grand Ouest, c'est destiné à viser au contraire des hommes d'affaires, des gens très riches, pour qu'ils se déplacent facilement entre les grandes capitales, entre les grandes villes européennes, Nantes, Berlin, Londres, Paris. Vas-y. Bah, on peut d'ailleurs vanter le bilan de Jean-Marc Ayrault sur la ville de Nantes, son action visant à repousser les classes populaires et les classes ouvrières du centre-ville de Nantes a parfaitement fonctionné. Et aujourd'hui, on a vraiment un centre de Nantes qui appartient aux bobos, à ces nouvelles générations qui sont interconnectées via les réseaux sociaux, leur iPhone toujours connecté. Et voilà, c'est une logique qui a été mise en place même depuis 89 avec... une politique culturelle qui a été mise en place, notamment par la subvention de grosses structures spectaculaires comme le Royal Deluxe, pour faire de la marchandise spectacle à travers les rues de Nantes en continu. Et c'est une logique à l'œuvre voilà, qui permet aussi l'installation de gens qui vivent bien et qui repoussent les habitants historiques et les classes populaires. Et qui méprisent les petites compagnies, par exemple avec Royal Deluxe, les subventions sont hallucinantes, quoi, de la ville de Nantes et des collectivités locales. Ça méprise totalement les petites compagnies théâtre qui sont en train de crever, tout simplement. Hein. Elles ont dû se rassembler toutes ensemble sous un collectif, il me semble... Spoutnik, il y a quelques années, pour survivre justement à cette baisse des subventions drastiques, quoi. Qui a été déviée vers les grandes compagnies. Donc on est dans du grand, on est dans du beau, du Nantes métropole, quoi. Enfin, qui est à peu près sur la même lignée que le Grand Lyon, avec des projets comme Confluence, Oelland. Bon, le monde est pour les riches, on le sait bien, tel qu'ils le pensent. C'est artificiel, hein, de toute façon. C'est très artificiel, tout ça. Enfin, c'est aussi créer des besoins comme des vols à une classe moyenne, alors qu'on sait qu'il est... qui s'enrichit derrière, je pense que c'est très facile pour qu'il y ait les moyens de le faire. Enfin, c'est juste artificiel, quoi. Et est-ce que, pour moi, la question aussi, c'est est-ce que qu'est-ce que c'est vraiment en ce moment-là l'œuvre publique, quoi. Enfin, est-ce que public, ça inclut les gens ou c'est juste pour les 4 ou 5 qui sont les décideurs, qui ont les moyens, etc. Donc voilà, si les gens ils veulent pas, pourquoi est-ce qu'un État il doit imposer une œuvre publique ? Enfin, on revient un peu aussi au principe de base, enfin vraiment du début, quoi. Enfin, pourquoi est-ce que tu dois m'imposer d'avoir un aéroport alors que là je peux manger, je peux nourrir, je peux faire vivre une famille, ma famille, mes enfants, plutôt que, enfin voilà, des générations. Enfin, et c'est un peu la même logique de tous les travaux, les gros travaux publics. Bon, j'apporte un peu la voix des notables en ce moment, et enfin ici, je veux dire, maintenant. Et effectivement, je retrouve, même dans la, soit dans la lutte que dans la répression, énormément de points communs. Avec plaisir, en fait, de voir. Mais ça résiste un peu partout, quand même. Énorme plaisir de voir que, voilà, effectivement, les personnes, elles se, comment dire, elles se forment, elles se renouvellent, elles leur proposent des choses, elles s'organisent différemment, et c'est ça la force qu'il faut vraiment cultiver, parce que c'est écrasant, sinon, enfin, voilà, il n'y a plus d'espoir. Non, tu voulais dire quelque chose, non? Je ne sais pas, on peut parler un peu de la lutte notave, par exemple. La LGV qui rejoindrait Lyon à Turin, grosse résistance. Oui, grosse résistance aussi, qui dure depuis longtemps. Donc, je disais justement, ça me fait plaisir de voir que quelque part, le mouvement ici de Notre-Dame-des-Landes, ça se repropose, ça propose des choses qui revient un peu aussi de cette lutte, quelque part, enfin, qui ont été réadaptées, mais quelque part, il y a eu une sorte de rayonnement aussi de la façon de lutter aussi. Et par rapport aux notaves en France, bon, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de... On va dire que les personnes peut-être se sont moins concernées en pensant que c'était juste une lutte d'une vallée dans la montagne. Enfin, ça commence un petit peu, hein, oui. Tous les collectifs en France, de Chambéry, de Lyon, de Modane, qui oui, montent. Et là, notamment, la manifestation d'ouverture du front de Nota France à Lyon le 3 décembre, qui a été sévèrement réprimée, hein, qui n'a jamais pu partir, voilà. Mais qui était quand même deux jours de convergence des collectifs, de rencontres aussi avec les notables italiens. Il y a quand même 12 voilà. Bus qui sont venus d'Italie, c'est ça. Même s'ils n'ont pas bougé, mais ça, oui. Il y a un front qui s'ouvre en France 20 ans après, mais qui commence à émerger. Oui, parce que c'est là aussi, il y a encore des vieux projets. Avec, C'était l'arrêt de la zone Schengen. Arrêt de la zone Schengen le 3 décembre. Les bus italiens ont été stoppés à la frontière. Ils n'avaient aucun motif. Ils étaient empêchés de circuler sur aucun motif, en fait. Arrêt des accords Schengen, voilà. Pire, parce qu'ils ont empêché à partir du samedi, enfin de deux jours avant la manifestation, ils ont empêché physiquement des personnes de rentrer sur le territoire français. Ils ont été arrêtés. Ils ont été accusés... de choses liées à des manifestations notables, donc des informations de l'État italien et des choses qui étaient à la limite, si vraies et prouvées, qui concernaient juste le territoire italien et pas le territoire français. Mais voilà, il y a eu ces choses qui... Je voulais faire une petite parenthèse, juste pour rappeler que le 3 décembre, lundi 3 décembre, c'était la rencontre à un sommet entre Monti, le président d'Italie, et Hollande, qui se retrouvaient pour discuter de l'avancée de ce projet Lyon-Turin, ce TGV. Juste pour en parler, ce TGV Lyon-Turin, il y a déjà une ligne ferroviaire qui existe, les trains passent, des TGV passent, mais ne passent pas en vitesse TGV. Et ils veulent refaire une ligne spéciale pour les TGV qui comprendrait 80 km de tunnel. Et 57 km en tunnel, et puis une partie donc, française, une partie italienne, et l'ensemble qui fait partie d'un couloir de marchandises, enfin ça serait du transport de marchandises d'ailleurs, un long couloir européen de Kiev à Lisbonne, hein, sachant que bon, Lisbonne a déjà lâché. C'est Madrid maintenant. Voilà, Madrid, bon, bah, ils n'ont pas beaucoup de... je dirais possibilité de le faire peut-être, je ne sais pas. Enfin, ils sont aussi dans une situation très difficile. Donc voilà, mais l'Italie, et ça me fait penser à quelque chose qui était dit avant par rapport à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, en Italie, ils disent qu'il faut absolument le faire, l'ottave, parce que c'est la seule manière pour être en Europe, dans le progrès, et ne pas être des cavernicoles, je ne sais pas si on le dit en français, mais des hommes de caverne, quoi, quelque part, en fait. Et donc, un gros mensonge en disant que la France a déjà accepté, que la France a déjà commencé à faire les travaux. Donc, chez vous, ils ont dit à Nantes, voilà, les travaux, ils commencent, enfin, ils font du terrorisme informatif et de la désinformation, qui est très grave. Et d'ailleurs, je vois, voilà, super la réaction donc, de l'auto-formation des groupes, quoi. Enfin, non, vous nous... Je n'ai pas le mot en français, mais vous nous arnaquez pas, voilà. Vous nous arnaquez pas, quoi. On le sait. Oui. Ouais. Sur la désinformation, donc, je ne sais pas si j'en ai parlé, du journal Nantes Métropole. Nantes Métropole. Oui. Du coup, ouais. Enfin, bon, du coup, c'est un journal qui a atterri dans les boîtes aux lettres de tous les Nantais, qui est diffusé par la ville de Nantes, la mairie de Nantes, et dans lequel on fait de la propagande active concernant le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et dans ce journal, le projet est clairement déjà sur les rails, quoi. Il a déjà commencé, les travaux ont commencé, ouais, alors que sur le terrain, rien n'est fait, quoi. Enfin, c'est clairement de l'intox. Et d'ailleurs, par rapport à ça, à la désinformation, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé par le syndicat mixte aéroportuaire, donc rattaché au conseil régional de Pays de la Loire, dont le président est Jacques Auxiette, donc un élu PS, un allié historique de Jean-Marc Ayrault et de Patrick Maréchal, ancien président du conseil général. Donc le syndicat mixte aéroportuaire a fait un appel d'offres pour faire du lobbying pro-aéroport, donc sur les réseaux sociaux et auprès de la presse. Donc il y a un budget qui est proposé de 120 000 euros sur 2 ans pour les médias pour aller faire du lobbying sur les médias sociaux et de 70 000 euros pour faire du lobbying auprès de la presse. Adieu aux amateurs. Alors, merci beaucoup à vous. On va essayer de... On est obligé de se quitter là parce qu'il va falloir rendre l'antenne. Et je voulais quand même d'abord prendre le temps de vous remercier, d'indiquer donc pour les personnes qui se sentent prêtes à se mobiliser, il y a une réunion demain à 20h, une assemblée au CICP 21 Terre rue Voltaire. Donc demain, dans le 11e à Paris, pour lutter contre le projet d'aéroport. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pourrez éventuellement retrouver notre émission, si vous voulez la réécouter, si vous l'avez ratée, en vous connectant sur le site du CSPCL. Donc c'est cspcl.ouvaton.org. Et donc là, normalement, il y a un lien et vous trouverez les émissions de radio. Et vous trouverez aussi d'autres informations. Et j'en profite quand même pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Non, pas tous, c'est pas vrai. Mais oui, vas-y, Julie. Non, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps finalement de parler de la lutte notable. Juste pour rappeler que l'accord entre la rencontre Monti-Hollande, ils ont signé l'accord. Le projet, ils ont l'intention de le faire comme cet aéroport. Et on sait déjà que ça ne passera pas. Et c'est juste pour rappeler que ces deux luttes ont besoin du soutien et de la solidarité de tout le monde, que ce soit Notav ou Notre-Dame-de-Landes ou Kinky ou tous les grands projets inutiles. Désolée de ne pas avoir juste parlé de Notav. Mais... Donc oui, la solidarité mutuelle entre toutes ces luttes et donc qu'elles soient justement face à des gros projets ou des grosses machines comme Vinci ou des gens qui sont sur du local. Donc je remercie J2P, le centre social... qui est rue Petit. Je vous donne l'adresse si vous avez envie d'aller faire un tour au 32 rue Petit. Et à côté, justement, il y a la boutique Alinéa, qui est un projet local d'une boutique coopérative et solidaire de quartier qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui est une initiative avec des gens du quartier, avec l'idée effectivement de pouvoir se procurer des produits locaux et d'avoir des soutiens, des démarches vers lesquels il faut pouvoir tendre aussi à Paris. Et donc, on remercie aussi le CSIA, le Comité de solidarité avec les Indiens d'Amérique, avec qui on partage pas mal d'événements, qui eux aussi sont... Bah, y a pas mal d'adresses, c'est le 21 Terre, rue Voltaire, vous la prenez. Donc, et là, vous mettez entre ici et là-bas, qui est l'association qui permet de distribuer du savon et de l'huile d'olive de Palestine faite par des femmes, ce qui permet pour elles de pouvoir continuer à lutter et la résistance. Et donc, il y a une adresse internet, c'est olive11@no-log.org. Et donc, le CSPCL, cspcl.ouvaton.org, le CSIA qui est aussi au 31 rue Voltaire. Et donc, FPP, les 20 ans, solidaire aussi avec FPP qui a, face au passage du numérique, des difficultés. Donc, vous pouvez être solidaire, c'est un rue de la solidarité. Donc voilà, vous pouvez éventuellement, si vous avez envie de faire des cadeaux, ben voilà, plutôt FPP qu'acheter. FPP toujours très solidaire avec Notre-Dame-des-Landes aussi. Et donc justement, solidaire avec FPP, il y a un concert normalement le 20 janvier organisé par CCC Collectif Contre Culture et donc notamment le programme Constroy. De FPP. Donc voilà, il y a beaucoup de luttes avec la CNT également, 33 rue des Vignoles qui nous accueille et qui est un lieu de résistance. Et donc voilà, donc il y a plein de luttes et plein de lieux et plein de groupes, de collectifs qui ont que raison de se mettre en réseau et de se soutenir. Et voilà, les apatistes continuent de nous apprendre que c'est comme ça qu'il faut avancer. Et on reparlera sûrement plus des apatistes et il reste 5 minutes. Donc on a justement le temps de rappeler également que c'est l'anniversaire du massacre d'Acteal, donc, où justement ce sont des communautés qui n'étaient pas apatistes mais qui étaient en résistance, las abejas, qui ont été voilà, des femmes... bon, voilà, des massacres, brûlés, le village et 45 enfants, femmes et enfants. Massacrés dans l'église. Oui, massacrés dans l'église, oui, voilà, c'était, oui. Donc, voilà, on voulait saluer la mémoire de tous ces gens en résistance, de tous les compañeros ici, là-bas. Merci encore à vous d'être... venu parler. Et n'oubliez pas, donc vous pouvez nous réécouter jeudi matin ou bien sur cspcl.ouvaton.org et puis sans doute qu'on peut éventuellement passer le programme si ça vous intéresse pour que ça puisse circuler éventuellement. Ben merci à vous. On se retrouve l'année prochaine au mois de janvier, le troisième lundi du mois, comme d'hab, la jungle des luttes. Donc on finit avec notre petit générique. Personne n'a oublié de dire quelque chose avant qu'on passe la musique et l'antenne à ceux qui nous suivent. Il y aura juste un festival organisé sur la ZAD le 3 et 4 janvier qui s'appelle Festizade de la Résistance. Festizade de la Résistance, 3-4 janvier. Et juste une chose un peu dramatique pour terminer malheureusement, mais un camarade a été blessé dimanche soir. Par une grenade assourdissante, il va être sûrement amputé d'un pouce. Ah si, il y a 2 fractures et une amputation. Et voilà, orteil. Voilà, faites attention si vous venez, surtout, pensez à bien vous protéger. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais juste rajouter une dernière... rappeler qu'on fait des permanences notaves dans le bar, dans le café-bistrot. Alors, 26 rue des Envierges, voilà. La Veilleuse, tous les premiers mercredis du mois à 19h30. Voilà, en sachant que peut-être le prochain mercredi, ça sera janvier, juste après les fêtes, et on le bougera, mais on peut nous suivre, et puis on essaiera de rester en contact. Merci à tous, salut.